Vous êtes à l'antenne de CKRL au 89.1 et pour cette première demi-heure de Futur Simple, nous vous proposons un grand détour par le système solaire. Plusieurs sondes spatiales sillonnent le système solaire et ont rendez-vous avec divers corps célestes. Et ces derniers mois, elles nous ont envoyé des images toujours pleines de surprises. Alors ce soir, avec Jean-René Roy, nous avons un rendez-vous. C'est avec Jean-René Roy que nous avons rendez-vous, justement. Il est astrophysicien, professeur associé à l'Université Laval. Il était déjà dans l'équipe de Futur Simple l'année dernière. Et c'est avec un très grand plaisir que nous nous retrouvons cette année. Bonjour Jean-René. Bonne fin d'après-midi Valérie. Alors Jean-René, il faut dire quand même que les 12 derniers mois ont été assez riches en nouvelles du cosmos. Et les mois à venir nous réservent encore quelques belles surprises parce que les sondes n'ont pas fini leur mission. Alors, là, quand je disais qu'il y avait plusieurs corps célestes qui étaient en train de se faire tirer le portrait par ces sondes-là, donc on va les nommer, celles qui nous intéressent ce soir. Donc, il y a la comète Churyumov-Gerasimenko, de son petit nom 67P. Il y a Pluton et Cérès. Alors, moi, je propose qu'on commence par la mission Rosetta, donc de la comète que je vais nommer cette fois-ci par son petit nom 67P. Donc, Jean-René, peut-être qu'on peut faire un portrait de cette comète pour commencer? Oui, cette comète est en fait une comète périodique qui est en orbite à peu près à une distance au plus proche, au-delà de l'orbite de Mars, et au plus lointain, au-delà de l'orbite de Jupiter. Donc, elle est à distance moyenne. Les comètes ont toutes sortes d'orbites. Mm-hmm. Généralement, leur caractéristique, c'est d'être très elliptique. Donc, Elle se rapproche beaucoup du Soleil et s'éloigne beaucoup. Les comètes sont une catégorie de corps qui appartiennent aux vestiges de la grande nébuleuse qui a formé le système solaire, le Soleil et les différentes planètes. Et elles sont faites surtout de glace et de débris rocheux, mais la majeure partie des comètes est de glace d'eau et aussi de glace de méthane et de glace d'ammoniac. Mm-hmm. Qui produisent la queue en partie, qui est simplement de l'évaporation produite lorsqu'elles se rapprochent du Soleil et qu'elles sont chauffées. Et Rosetta est une des missions la plus récente envoyée pour explorer les comètes, dont on connaissait assez mal la distance. Mm-hmm. Et maintenant, on en a des, comme vous avez dit en entrée, des portraits assez époustouflants. Entre autres, dans le cas de Rosetta, c'est la première fois qu'une sonde du nom de Rosetta, lancée par l'Agence européenne de l'espace il y a une dizaine d'années, est entrée en orbite autour de la comète. C'est toute une performance parce que la comète a une très faible masse. C'est très difficile de se faire attraper. Ça doit être facile de s'en échapper. Oui, probablement juste un saut qu'on pourrait faire. On rentrerait en orbite autour de ce corps qui a à peu près... La forme d'une grosse arachide de 6 km par 4, comme deux gros morceaux dominants. Mmh. Puis d'ailleurs, c'était aussi toute la difficulté quand l'atterrisseur Philae a dû atterrir sur la comète. Il fallait pas qu'il rebondisse trop haut pour pas s'échapper aussi. Et ce qu'il a fait, et ce qui a résulté en beaucoup d'émotions. Ouais. Alors que Rosetta est toujours en orbite, nous fournit toujours des données, Philae est tombé silencieux lorsque la puissance électrique de ses batteries alimentées par l'énergie solaire a été épuisée parce qu'il était dans une position où il n'avait pas d'éclairement. Mais il a toutefois transmis des données pendant une soixantaine d'heures. Et au cours de l'été, les chercheurs ont publié des résultats préliminaires obtenus par Philae, entre autres des images panoramiques qui nous montrent un paysage absolument incroyable de fractures qui nous est à la fois familier et un peu étrange. Donc, ce sont d'immenses façades qui sont très fracturées. Ce sont plutôt donc, des glaces. Ça travaille dans ce corps céleste. Oh, ça travaille beaucoup. Ouais. Et même à certains endroits, des espèces de pits qui sont probablement des endroits où ça s'est évaporé et ça a explosé en formant ces sortes de cratères. D'autres zones sont beaucoup plus granuleuses, un peu comme si vous faisiez de la glace concassée, mêlée de débris et tout qui couvre la surface. Mais somme toute, ces images-là ont été analysées, entre autres, pour la nature des débris et la grosseur du matériel. Mm-hmm. Et aussi, on a vu des fractures importantes. Donc, ce qui amène à les gens à s'interroger, les chercheurs, est-ce que la comète, parce que c'est comme deux morceaux qui se sont rentrés dedans. Ah oui. Est-ce que c'est comme ça que la comète s'est formée ou elle s'est formée de cette forme de grosse arachide et à peu près elle va se défaire peut-être dans un passage futur proche du Soleil? Et qu'est-ce qu'on a appris sur sa composition? Donc, à l'heure actuelle, donc d'un point de vue entre guillemets mécanique, la comète est très poreuse. C'est un peu comme du styromousse entre guillemets, mais au lieu d'être un composé à base de pétrole, c'est de la glace. Donc, c'est très poreux. Mm-hmm. Mais de la glace de quoi? De la glace d'eau qui est dominante, absolument. Et... en surface, la surface est couverte comme à peu près, on se pourrait appeler une espèce de poussière qui est un peu collante de 20 cm. Donc, c'est probablement la glace fond, un peu comme chez nous au printemps ici, et laisse cette espèce de couche en surface, sauf qu'elle est moins mouillée que c'est ici parce que avec la pression, il n'y en a pas de pression, l'eau s'évapore immédiatement. Donc, ça fait, même s'il y a beaucoup d'eau, beaucoup de glace, cette couche est plutôt de nature sèche, poussiéreuse. Mm-hmm. Et elle est composée de plusieurs composés d'ordre organique, donc les composés de carbone, d'hydrogène, d'azote et d'oxygène sont relativement fréquents. Mm-hmm. Donc, on est dans une phase où on commence à analyser ces résultats. Il va avoir une analyse beaucoup plus approfondie de ces premières 60 heures d'observation de Philae. Et tout le monde se croise les doigts encore que Philae, qui s'est réveillé au mois de juin pour une dizaine de jours, et on en a encore perdu contact probablement parce qu'il est sur une surface instable, n'arrive pas à trouver une position pour avoir suffisamment d'éclairement du soleil. Mais on espère un réveil. Et puis, donc c'est ça, Philae s'était réveillé le 13 juin, puis avait retransmis des données. En fait, la surface de la comète évolue toujours aussi sous l'éclairage de Philae. On espère peut-être que Philae se réveille à nouveau. Exactement, parce que lorsque Philae a transmis ses premières données au mois de novembre, la comète était relativement éloignée. Et elle est au plus proche du Soleil. Donc, ce serait très intéressant de voir du même endroit, des images panoramiques, des images du sol et aussi d'autres mesures de la composition chimique de la surface. Mais beaucoup est à venir encore de réanalyse de ces premières données. Exactement. Ben oui, parce que peut-être que des molécules organiques, ça nous fait penser aussi aux premières molécules de la vie aussi. Donc, peut-être que certaines réactions chimiques ont lieu, mais il n'y a pas des petites bébites qui vont apparaître. Non, certainement pas. Puis cet été, quand même, il faut dire qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose qui a volé la vedette à Rosetta, c'est quand même Pluton, avec la sonde New Horizon qui était dans les parages de Pluton. Alors, c'est pareil, Pluton, c'est une planète aux confins du système solaire, et en fait, quand je dis planète, il faut se souvenir qu'elle a été rétrogradée au rang de planète naine par l'Union internationale d'astronomie en 2006. Au grand désespoir de bien des gens. Oui, mais en tout cas, elle redore un petit peu son blason grâce aux images spectaculaires que New Horizons nous envoie. On découvre un monde structuré, des montagnes, c'est fantastique tout ce qu'on découvre. La surprise a été énorme. On s'attendait à un monde beaucoup plus inerte. D'abord, ce qu'on veut dire, c'est qu'une planète mineure, c'est toute une catégorie d'objets. D'ailleurs, Pluton est loin d'être seul. Elle a une sœur presque de la même dimension et plus massive qui s'appelle Iris. Les mesures pourraient mettre Iris encore plus grosse que Pluton. Donc, à l'heure actuelle, on connaît à la périphérie du système solaire maintenant au moins une douzaine de corps qu'on peut appeler planètes mineures qui sont à peu près de la même dimension que Pluton. Et plusieurs, comme Pluton, ont un bon nombre de satellites. Donc, et on a obtenu de belles observations de sa lune Charon aussi. Donc, en effet, Pluton, c'est la révélation de l'été en astronomie, en exploration spatiale. Elle s'est révélée un monde qui a surpris les gens, comme on disait, par sa nature qui paraît dynamique. Je dois dire, personnellement, ça me surprit agréablement dans le sens que je me souviens, lorsque j'étais au télescope Gemini, dans le début des années 2000, mm-hmm. on avait un programme d'observation de Pluton et on avait mis en œuvre un nouvel instrument qui est capable de détecter les glaces par observation d'infrarouge, mm-hmm. dans l'infrarouge, qui est un domaine de longueur d'onde plus long que celle que nos yeux voient. Et je me souviens, l'équipe de chercheurs et un de ceux qui était sur mon équipe à Gemini ont publié un article montrant qu'il y avait de la glace à l'état cristallin sur Pluton. Mm-hmm. Et de la glace à l'état cristallin, c'est un peu comme ici, de la belle glace cristalline, transparente, c'est de la glace nouvelle. Mm-hmm. Et c'est pas long souvent que la glace va devenir amorphe, va devenir blanche. Ouais, okay. Et par spectroscopie, on est capable de distinguer si on a de la glace cristalline mm-hmm. ou amorphe, de la jeune glace ou de la vieille glace. Mm-hmm. Et le résultat était que Pluton était couvert en partie de jeune glace. Mm-hmm. Et à cette époque-là, on était tout heureux que la mission New Horizon allait partir et allait vérifier et confirmer ce qui a été fait. Donc, Pluton a beaucoup de glace et probablement du liquide, de l'eau de glace en dessous de la surface, a aussi de l'azote, qui parce qu'il fait très froid sur Pluton, les températures sont de l'ordre de moins 230 degrés Celsius. C'est inimaginable pour nous. Non, on n'y arrive pas. Ouais. Mais c'est quand même intriguant qu'en dessous, il doit y avoir du liquide. Je vais y revenir à ça. À cause de la pression de la glace? Oui, il y a comme une espèce de pression qui remonte parce que une des choses qu'on a vues, c'est ces montagnes. Mm-hmm. Et ces montagnes, quand on les regarde, elles ont des formes plutôt curieuses. Ce sont pas des montagnes comme on voit sur Mars, ce sont pas des montagnes comme on voit sur la Lune, mais ce sont des montagnes qui ont des belles formes pyramidales. Ah. Et on connaît ce type de boursouflure dans les régions arctiques, on les mm-hmm. appelle les pingos. Mm-hmm. Et ce sont des espèces d'excroissances de glace qui peuvent atteindre 600 mètres d'altitude sur la Terre. Même. Oui, c'est une pression qui vient de l'intérieur des eaux qui montent et qui coulent et qui produit cette espèce mm-hmm. de structure qu'on appelle pingo. Et moi, quand j'ai vu les images, ça m'a frappé tout de suite. Mm-hmm. J'ai fait ce parallèle entre beaucoup des montagnes de Pluton qui atteignent plusieurs milliers de mètres et elles peuvent le faire parce que la gravité à la surface de Pluton est des dizaines de fois plus faible qu'à la mm-hmm. surface de la Terre. Donc, les pingos de Pluton vont nous paraître ces montagnes gigantesques. Mais c'est gigantesque par rapport au diamètre de Pluton? Oui, qui est d'à peu près 2300 kilomètres. Donc, juste pour donner l'ordre de grandeur, la Terre a à peu près 12 500 kilomètres de diamètre. La Lune, notre satellite, a à peu près 3 600 kilomètres de diamètre. Mm-hmm. Donc, Pluton est plus petit que la Lune. Donc, il y a des raisons de la mettre dans une catégorie à part. Donc, 2300 kilomètres et quelque chose. Je pense 2345. Des pingos qui font une altitude de? Ils font à peu près, ils montent au moins 3 km de hauteur. Ouais, donc, quand on pense que nos montagnes sur Terre, les plus hautes, ont 8000 mètres à peu près, Everest et certains sommets de l'Himalaya. Mm-hmm. Donc, proportionnellement, les sommets qu'on retrouve sur Pluton, ils sont considérables. Ouais. Et il y a aussi ces grandes plaines qui semblent finalement des mers couvertes de glace et mm-hmm. on voit des fractures qui rappellent beaucoup les glaces qu'on peut voir en région arctique ou antarctique. Ouais. Est-ce qu'on voit, au niveau des pingos, est-ce qu'on voit la roche elle-même de Pluton ou c'est toujours, finalement, tout est dans un... Pluton, c'est une bonne remarque, Pluton est un corps qui est plutôt de composition de glace. Comparativement aux objets à l'intérieur du système solaire, donc les planètes comme Mercure, mm-hmm. Vénus, Terre, Mars, et les astéroïdes sont des objets de composition à dominance rocheuse. Mm-hmm. Les grosses planètes comme Jupiter, Saturne et Neptune, Uranus, donc on appelle les planètes géantes, sont mm-hmm. surtout gazeuses mm-hmm. et liquides. Et quand on va encore plus loin, parce qu'on est plus loin du Soleil, il fait beaucoup plus froid, mm-hmm. ce sont les glaces qui dominent. Donc, les liquides, les gaz ne sont pas évaporés. Ils sont restés comme tels, ouais. Alors que proche du Soleil, pour les planètes rocheuses, on a tout perdu, ouais. Ces gaz et ces liquides. Mais est-ce qu'on peut imaginer quand même qu'il y a un noyau dur à l'intérieur? Je sais pas ça. Je pense qu'il faudra avoir des données mm-hmm. beaucoup plus détaillées. Et probablement, certains vont faire des modèles pour voir est-ce qu'il y a un noyau central de roche. Parce que personnellement, sinon, avec les connaissances que j'ai dans ce domaine, j'en douterais. Ce serait plutôt peut-être de l'hydrogène au centre, un noyau d'hydrogène solide. Ouais. Et comment expliquer donc cette agglomération de glace s'il n'y a pas un noyau quelque part pour donc, attirer ces... Ouais, ben les comètes se sont déjà agglutinées à partir d'un morceau. Donc, ouais. On peut imaginer que si on prenait beaucoup de comètes et on les rassemblait comme on rassemblerait des moutons, j'essaie de faire une expérience de l'esprit ici, ouais. on pourrait produire des planètes du genre des planètes mineures de l'extérieur du système solaire, comme Pluton, comme Iris, comme Sedna et plusieurs qu'on connaît. Et j'en reviens donc à cette grosse couche de glace d'eau. Est-ce que c'est surprenant de trouver de l'eau sur Pluton? Non. En telle quantité? En fait, on ne connaît pas les teneurs exactes, ouais. Les fractions de masse, mais on peut suspecter que l'eau, comme on connaît sur Terre, la proportion devrait être de l'ordre de 10 à 15% de la masse. Donc, les eaux de glace vont être comme je l'ai dit, d'azote moléculaire, de méthane et possiblement de monoxyde de carbone aussi, qui va être à l'état solide dans des températures aussi basses. Et donc, qu'est-ce qui explique cette présence d'eau sur... L'eau, elle est présente. Elle est partout. Elle est partout, l'eau. C'est un composé abondant dans le système solaire. Il y a seulement les planètes intérieures du système solaire qui n'ont pas d'eau. La Terre, on n'en avait pas au début. On l'a acquise par bombardement d'astéroïdes qui sont plus riches en eau que nous le sommes parce qu'ils évoluaient plus loin dans le système solaire. Ouais. Ils ont gardé leur eau et ne l'ont emporté un peu plus tard. Donc là, New Horizons n'a pas livré encore toutes ces données. Il va continuer à en prendre, j'imagine, à les envoyer, que les scientifiques vont continuer à analyser. D'accord. il va avoir un effort immense. Mais ce qui s'est produit, c'est d'abord, on a fait un passage. Ça aurait pris trop d'énergie pour ralentir la sonde et la mettre en orbite autour de Pluton. Et les budgets étaient limités. La mission reste relativement modeste au coût de 700 millions de dollars. Probablement que les coûts auraient explosé pour faire une mission qui rentre en orbite. Donc, qu'on ait réussi à faire ce vol frôlé, c'est ce qu'on veut dire, qui a duré quelques heures pour prendre les données, obtenir autant de données, c'est absolument fantastique. Donc, à l'heure actuelle, je calcule qu'on a transmis à peu près 20 % des données. Et ça se fait tout d'abord parce que il y en a beaucoup de données, beaucoup d'images, et le transmetteur n'a une puissance, je crois, que de 4 watts. Donc, essayez d'imaginer 4 watts et on est à des milliards de kilomètres. Il faut que l'antenne soit très bien dirigée, il faut que le signal soit capté par des plus grosses antennes qu'on a sur Terre, et le signal doit être envoyé plusieurs fois pour vérifier que les bits, parce que le débit est tellement faible, il peut avoir quelques erreurs, donc il faut répéter les renvois de données pour être sûr que les données sont fiables et reproductibles. New Horizon va continuer sa route au-delà de Pluton? Oui, je pense qu'on a choisi maintenant la prochaine cible. Il va aller frôler encore une fois, cette fois-ci, un objet encore plus petit qui appartient à cette famille d'objets qu'on appelle les objets de la ceinture de Kuiper, qui sont un peu un équivalent des objets, les astéroïdes, de la ceinture principale d'astéroïdes, qui est beaucoup plus proche de nous, entre Mars et Jupiter, comme je l'ai dit plus tôt, de nature plutôt rocheuse, comme la Terre, comme la Lune. Et il y a une espèce d'équivalent de ceinture d'objets qu'on appelle ceinture de Kuiper au-delà de l'orbite de Neptune. Et en quelque sorte, c'est là que Pluton évolue, c'est là que Iris, un analogue de Pluton, évolue. Et il y a aussi beaucoup d'autres de plus petits objets de nature glacée. Et on veut en explorer un en passant à côté, entre guillemets, en vol frôlé. Donc, on en a choisi un. Son diamètre est à peu près de 45 kilomètres. Donc, il est beaucoup plus petit. Donc, il faut bien viser. Il faut très bien viser, mais jusqu'ici, ça a été pas mal bien réussi. Ouais. Donc ça va se passer dans les prochaines années? Si je me souviens bien, je pense c'est vers 2020, atteindra l'objet le 1er janvier 2019, ouais. Si je revois mes notes ici. Mais donc, en attendant, de toute façon, en attendant que New Horizon arrive, donc, faire ce petit objet de la ceinture de Kuiper, il y a un autre objet qui est quand même à l'étude. Donc, on est plus proche, ouais. C'est ça. Plus proche de nous, d'ailleurs, ouais. Donc, il s'agit de Ceres. Oui, par la mission Dawn. Et donc, là, il s'agit aussi, si je ne me trompe, d'une planète naine. Oui, en fait, c'est le plus gros des astéroïdes dans la ceinture de principale d'astéroïdes entre nous. Entre Mars et Jupiter. Ouais. Donc, rappelez-vous, j'ai dit que Pluton avait près de 2300 km de diamètre. Ceres, le plus gros des astéroïdes de cette ceinture, a 950 km de diamètre. Donc, il est relativement petit, mais le plus gros de tous les blocs, entre guillemets, qui évoluent dans cette ceinture. Et c'est un autre objet qui est exploré dans cette phase d'exploration spatiale. On est en train de regarder le menu frottin. Ben, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Là, il y a quelques années d'années, on explorait les grosses planètes, puis leurs satellites, mais là, on est rendu aux petites billes de 45 kilomètres. Ouais. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est un peu, je ferais l'analogie que si vous passiez à explorer ou essayer de savoir qu'il y a un grand banquet, puis il ne reste plus rien. Vous voulez savoir ce que les gens vont manger. Vous allez regarder les débris sur la table et ce qu'il y a sur le plancher. Et si vous êtes un bon analyste, et surtout si vous avez accès à de la bonne instrumentation, vous allez pouvoir déduire à peu près tout ce que les gens ont mangé et qu'est-ce qui s'est passé dans leur assiette. Donc, on consacre beaucoup d'efforts à étudier le menu frottin, comète, astéroïdes, planètes mineures. Et parce qu'ils nous révèlent beaucoup de la base, des fragments, des processus qui ont formé les plus grandes planètes et même les étoiles. Donc, Dawn, qui est une mission qui a été lancée, je me souviens plus quand, là, il y a plusieurs années encore une fois, a fait d'abord une première exploration d'un astéroïde de la ceinture qui est plus proche de nous, qui s'appelle Vesta. Cet astéroïde a à peu près 450 km de diamètre. Il a passé, je crois, 11 ou 14 mois en orbite autour, a transmis beaucoup de données. Si vous faites une recherche sur le web, vous faites Vesta et tout, vous allez voir pas mal de données et d'images. Et ensuite, le satellite s'est désorbité et est parti pour un voyage qui l'a amené après quelques années à Ceres, autour duquel il est entré en orbite il y a quelques mois, et il a commencé sa mission d'observation, et tranquillement son orbite se referme pour se rapprocher de Ceres et prendre des images de plus haute résolution. Donc, ce qu'on y retrouve, en fait, on commence à avoir des données assez superbes. Et d'ailleurs, il y a d'excellentes vidéos. Vous pouvez faire un survol de Ceres à partir des images. J'ai vu ça, on le voit tourner, là. Ah, c'est magnifique. Vrai, oui. Allez voir, le vidéo est facile à télécharger. Il est très beau. Et une des premières surprises parmi les données préliminaires qui commencent à rentrer, c'était l'observation assez surprenante de taches blanches qui paraissent presque lumineuses à la surface de Ceres. Même certains ont parlé. On vient de trouver des éclairages d'extraterrestres. Ouais. Mais en fait, c'est pas aussi lumineux que le contraste de l'image peut nous laisser paraître. Donc, à l'heure actuelle, l'hypothèse ou les idées qui sont avancées, c'est que ce serait soit des glaces récentes émis par cryovolcanisme, genre de geyser. C'est possible sur un corps aussi petit? On ne sait pas trop. On découvre un peu ce genre d'objet. Ou ça pourrait être, en fait, encore une fois, des sels de certaines natures qui produiraient ce genre de patrons qu'on observe. C'est à la fois à l'intérieur des cratères, sur les pentes de cratères, sur des terrains un peu moins accidentés. Mais la surface de Ceres, elle est très accidentée, elle est très vieille, elle est criblé de cratères d'impact, un peu comme les régions les plus accidentées de la Lune. Donc, tant Vesta et Ceres nous donnent une apparence de surface d'anciens, de très vieux cratères. Donc, l'évidence de phénomènes récents viendrait de ces fameuses taches blanches qui pourraient être soit des glaces ou de sel, mais beaucoup est à venir dans l'analyse des données qui commencent à nous parvenir. Mais ça veut dire quand même une certaine vie dans ce petit corps, alors que est-ce qu'on observe encore une vie intrinsèque pour la Lune, par exemple? La Lune, Il y a eu des hypothèses de volcanisme récent, et même certaines gens ont pensé avoir observé un volcan en éruption sur la Lune, mais on n'a jamais pu confirmer ce genre d'observation. Donc, c'est en effet surprenant qu'on voit des évidences d'activité interne qui indiqueraient une certaine tectonique de mouvement interne du corps. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui l'active à l'intérieur. Oui, en fait, il y a deux choses qui vont produire de la chaleur à l'intérieur. Enfin, trois choses qui vont produire de la chaleur à l'intérieur d'un corps. C'est la radioactivité, comme dans le cadre, les espèces de processus de cristallisation à long terme qui prennent des milliards d'années, qui libèrent de la chaleur. Et le troisième qu'on voit pour les lunes autour de Jupiter, c'est quand le corps est relativement proche, il est continuellement déformé, étiré, compressé par les forces de marée. Ouais. Ben, il n'y a pas de raison de supposer que ce genre de force est en action sur Cérès. Moi, je croyais que ça pouvait être la raison du mécanisme intérieur d'activation pour Pluton, en supposant que Charon, sa lune, est relativement proche, pouvait exercer une force de marée suffisamment grande, mais tous les chercheurs qui sont les experts ont dit que ça pouvait pas marcher par force. Donc, il fallait qu'il y ait quelque chose, soit recristallisation interne ou un certain niveau de radioactivité à l'intérieur du corps. Ben peut-être, de toute façon, Dawn n'a pas terminé ses observations. Non, Dawn, c'est D-A-W-N, l'aube, l'aurore. Ouais. Donc, c'est une assez longue mission. Et ce qui est particulier à Dawn, c'est que son mécanisme de propulsion, c'est un mécanisme de propulsion continu. Donc, c'est pas des petites fusées qui font un petit jet de temps en temps. Donc, c'est une propulsion continue par un jet ionique. Donc, ce sont des particules chargées électriquement qu'on accélère et qu'on émet de façon continue. Donc, les accélérations et décélérations sont très peu ressenties, mais elles sont continues. Mm-hmm. C'est un peu comme si vous poussiez un corps avec votre main. Vous voyez, on peut imaginer qu'avec votre main, vous poussiez un navire, même un navire de croisière comme on a en cale ici ou en port. Et si vous poussiez longtemps, vous pourriez faire bouger l'objet. Donc, c'est le principe qui est utilisé pour Dawn et qui sera utilisé probablement pour d'autres missions. Puis donc, continue sa mission et va envoyer d'autres données qui pourront peut-être nous éclairer sur la nature de ces taches blanches. On en reparlera. Oui, on en reparlera. Eh bien, justement, on en reparlera peut-être donc à l'occasion d'un de nos prochains rendez-vous, puisque comme l'année dernière, vous veniez donc chaque deuxième jeudi du mois, eh bien, c'est à nouveau le rendez-vous qu'on se donne cette année. On se revoit au mois d'octobre. Donc au mois d'octobre, deuxième jeudi du mois. Merci beaucoup, Jean-René. Je rappelle que Jean-René Roy est astrophysicien, professeur associé à l'Université Laval. Quant à nous, on va faire une petite pause publicitaire sur CKRL au 89.1. Et au retour, on revient sur Terre parler de pêche durable.